Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est très ravis aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de la deuxième émission dédiée à la lutte contre les inégalités. Avant de présenter, je vous propose de présenter nos invités. Donc Amélia, je te laisse commencer. Bonjour, je m'appelle Amélia et je suis étudiante à l'IAE Nancy. Bah Jean-Paul, votre fidèle serviteur, si je peux dire. Et Lola, pareil, étudiante à l'IAE Nancy en gestion. Parfait, et moi-même, Quentin, étudiant également à l'IAE. Alors, lors de notre première émission, nous avons eu l'occasion de mettre en avant les inégalités liées au genre. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tout aussi essentiel qui n'est autre que les inégalités éducatives. Cette question est d'une importance capitale car l'éducation, au-delà d'être un droit fondamental, est le socle qui permet à chaque individu de se développer pleinement et de s'intégrer dans la société, et ainsi de déterminer son avenir et sa carrière professionnelle. Pourtant, malgré les progrès réalisés, des écarts importants persistent. Et pour beaucoup, l'accès à une éducation de qualité reste un défi. Alors dans cette émission, nous allons explorer les différentes facettes des inégalités éducatives. Nous verrons d'abord comment ces inégalités se manifestent, puis les causes profondes qui les alimentent, et enfin les pistes qui pourraient permettre de les réduire. C'est typiquement Oxfam, ça. C'est ça, exactement. Ah bon, on est bien, tu me rassures. Oui, les inégalités mondiales, y compris éducatives, dans la Confédération des Oxfam, ça reste un totem, un point hyper important, effectivement. Parfait. Merci d'avoir choisi ce thème. Nous aurons l'occasion de reparler à la fin, justement. L'objectif est de mieux comprendre pourquoi, aujourd'hui, l'accès à l'éducation n'est pas le même pour tous, et de réfléchir aux moyens d'y remédier. Je vous propose tout de suite de commencer par notre première partie, c'est-à-dire... Qu'est-ce que sont les inégalités éducatives? Je vous pose à vous la question, comment vous serez capable de définir les inégalités éducatives? Qui veut commencer? Bon, je peux commencer si tu veux. Déjà, pour ma part, je pense qu'il y a des inégalités, que ce soit dans les différents établissements et dans les différents pays, parce que tout le monde n'a pas accès à une même qualité de l'enseignement. Et il y a aussi une inégalité en fonction des personnes, parce que tout le monde n'est pas proche d'un lieu d'enseignement, tout le monde n'a pas... les mêmes capacités financières pour accéder à cet enseignement. Donc voilà. Je pense que tu peux compléter, Amélia, si... Moi, je considère que les inégalités éducatives, c'est le fait que les élèves n'aient pas le même niveau scolaire, donc ils ne vont pas avoir la possibilité d'avoir les mêmes notes entre eux. Et cela peut être lié à la classe sociale de leurs parents. Je pense que c'est ça le fond du problème. D'où viennent les enfants quand ils rentrent en classe? Effectivement, selon la classe sociale des parents. Et puis après, en France, il y a une vraie guéguerre qui s'est un peu calmée, mais c'est le débat public-privé. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard, si vous voulez, sans rallumer la mèche. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je vous propose que je vais vous donner ma réponse, qui n'est pas forcément une globalité, mais quand même. Les inégalités éducatives sont définies comme étant des différences d'accès et de réussite scolaire entre les enfants issus de différents milieux sociaux, de différentes régions ou encore entre genres, comme vous avez eu l'occasion de le dire. Concrètement, elles se traduisent par des disparités dans la qualité de l'enseignement reçu, dans les moyens matériels et humains mis à disposition, et dans les chances de réussir. En d'autres termes, en fonction de l'endroit où vous êtes né, du milieu socio-économique de votre famille, ou parfois même de votre sexe, votre parcours éducatif peut totalement être différent. Il est important de noter que ces inégalités peuvent débuter dès la petite enfance. Certaines études montrent, par exemple, que les enfants issus de milieux favorisés sont plus exposés aux livres, au vocabulaire riche et à des activités d'éveil qui les préparent mieux à l'école. Une étude de l'Institut National d'Études Démographiques révèle que les enfants des milieux les plus favorisés, dès l'âge de 3 ans, connaissent en moyenne 1000 mots supplémentaires par rapport à leurs camarades, issus de milieux modestes. En revanche, pour les enfants issus de milieux modestes, l'entrée en primaire peut être un premier obstacle, car ils arrivent souvent avec un retard dans le développement du langage ou de la culture générale. Selon une étude du ministère de l'Éducation nationale, on estime qu'environ 20% des élèves entrant en CP présentent des lacunes importantes en vocabulaire, un retard qui peut les désavantager tout au long de leur parcours scolaire. Cette différence initiale a tendance à s'accentuer et les élèves issus de milieux populaires ont deux fois plus de risques de redoubler ou de décrocher avant d'obtenir un diplôme. Merci Amélia pour cette réponse. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça nous montre que dès le plus jeune âge, on est exposé aux inégalités éducatives et on peut imaginer que si les écarts se creusent dès le plus jeune âge, à un âge adulte, les écarts sont encore plus importants. Merci pour cette précision. Et pour continuer, on va partir sur notre deuxième partie. Donc maintenant qu'on a défini quelles sont les inégalités éducatives, nous allons maintenant voir les différentes formes qu'elles peuvent prendre. Donc, je vous pose encore une fois une question. Quel type d'inégalité éducative connaissez-vous? Pour ma part, comme j'ai pu l'indiquer précédemment, je pense qu'il y a le côté économique qui rentre en jeu, mais également le genre qui peut rentrer en jeu, comme tu l'as indiqué. Et aussi l'aspect pédagogique de la chose, vu que tout le monde n'a pas le même accès aux établissements, etc., comme je l'ai dit avant. Si on se pose du côté global et mondial, pour nous considérer les classes africaines, je pense aux communautés villageoises où, pour les jeunes filles, elles étaient scolarisées par exemple jusqu'à 12 ans, ce qui était déjà un exploit dans les années 2000. Et là, la Confédération des Oxfam constate un recul. On commence à déscolariser les plus jeunes, ce qui est une catastrophe par rapport au planning familial, par rapport à l'éducation des jeunes filles, par rapport à leur liberté aussi de femmes. Là, il y a des questions en arrière-plan très importantes. Pour rebondir ce que Lola a dit, et pour faire référence aussi au côté économique, moi je pense qu'une des inégalités éducatives que je connais, c'est l'inégalité d'accès à des études prestigieuses, notamment aux écoles de commerce ou encore aux grandes écoles d'architecture. Donc, tu dirais que tu as été un peu exposé à ces inégalités au niveau plus d'accès? Oui. D'accord. Et justement, je vous pose également la question, vous sentez que vous avez été touché par ces inégalités éducatives au cours de votre jeunesse ou pas du tout? Selon moi, pas forcément. J'ai eu ce privilège, on va dire. Après, je pense que en fonction de l'établissement où on est, etc., forcément qu'on a plus de moyens d'accéder à des études supérieures que d'autres établissements. Mais je me sens assez privilégiée sur ce côté-là. Amélia? Non, moi, pas forcément. Non. Non, mais je veux bien un peu parler de ma petite personne. Parce que... Non, mais c'est vrai que mes parents m'ont mis dans une filière courte pour pouvoir travailler très rapidement avec un bac pro. Mais à l'époque, dans les années 75-80, bon, je suis désolé de parler du 20e siècle, c'était possible. Mais finalement, j'aurais tellement préféré faire... allez, je me lance, archi, socio, psycho, je sais pas. Et avoir le temps de la réflexion et de mûrir mon projet. Bon, en allant une filière courte, typiquement dans le bâtiment génie civil, j'ai pu accéder avec un bac pro au marché du travail à du haut de mes 18 ans. Sauf qu'à ce moment-là, c'était déjà un premier choc pétrolier et ça débouchait dans le bâtiment. Donc j'aurais bien fait de continuer à réfléchir, à faire des études un peu plus poussées. Mais mes parents n'avaient pas les moyens de payer des études. C'est aussi, hein, ça fait partie du débat. Merci. Merci Jean-Paul, parce que c'est intéressant de voir aussi les écarts entre les différentes générations. Et merci. Votre témoignage fait plaisir à entendre. Alors, comme vous venez de le dire, les inégalités éducatives prennent de multiples formes et affectent des millions de jeunes à travers le monde, empêchant nombre d'entre eux d'atteindre leur plein potentiel. Ces inégalités ne se limitent pas simplement aux différences entre les élèves eux-mêmes, mais se manifestent également dans l'accès à des ressources, la qualité de l'enseignement et, plus encore, dans les résultats scolaires qui en découlent. Tout d'abord, parlons des inégalités d'accès à l'école, qui constituent un obstacle majeur à l'éducation. Malheureusement, dans certaines régions du monde, des millions d'enfants ne peuvent toujours pas bénéficier d'un accès à l'école, en raison de conflits armés, de catastrophes naturelles, de pauvreté extrême, mais aussi de discrimination sociale et culturelle. Je vais laisser Amélia parler justement de ce sujet, et de nous dire quelques chiffres. Par exemple, selon l'UNESCO en 2022, environ 244 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde ne sont toujours pas scolarisés. Les statistiques révèlent que ces enfants sont principalement situés en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. En Afghanistan, la situation est particulièrement grave, car seulement 37% des filles sont inscrites à l'école secondaire, contre 66% des garçons. Ce qu'Amélia vient de dire, ça témoigne avant tout d'une inégalité flagrante qui s'ancre dans des pratiques culturelles et des restrictions imposées par certains gouvernements. Ces inégalités ne sont pas simplement une question de chiffres, elles ont des répercussions profondes, car l'éducation est un des moyens les plus puissants pour sortir de la pauvreté et réduire les inégalités sociales. Mais les inégalités ne s'arrêtent pas à l'accès à l'éducation. Un autre défi majeur est celui des inégalités de qualité de l'enseignement. Même lorsque les enfants ont la chance de fréquenter une école, la qualité de l'enseignement qu'ils y reçoivent peut varier considérablement. Ces inégalités se manifestent dans plusieurs domaines, que ce soit l'infrastructure scolaire, les ressources pédagogiques et surtout la formation et le nombre d'enseignants qualifiés. Prenons par exemple l'Inde, où les écoles rurales sont particulièrement touchées par ces disparités. Ces écoles manquent souvent de professeurs qualifiés et les élèves peuvent se retrouver dans des classes surchargées avec des équipements pédagogiques plus que rudimentaires. Les écoles en milieu urbain, par contre, bénéficient de meilleures ressources et les enseignants sont mieux formés, ce qui crée un écart de qualité entre les élèves. Cette inégalité de qualité d'enseignement se reflète directement dans les résultats scolaires et dans les opportunités futures des enfants. A l'inverse, des pays comme le Canada ont mis en place des politiques publiques visant à réduire ces écarts. Par exemple, des investissements dans la formation des enseignants, l'équipement des écoles rurales et la mise en place de programmes de soutien pour les élèves issus de milieux défavorisés ont permis de réduire certaines de ces inégalités. Cependant, même dans des pays avancés, ces inégalités persistent dans certaines régions ou pour certains groupes sociaux. Enfin, il existe des inégalités de réussite scolaire, qui sont également un enjeu majeur dans le débat sur l'éducation. Ces inégalités sont le fruit d'un ensemble complexe de facteurs, notamment la situation socio-économique des élèves, les attentes des parents et le soutien à l'apprentissage à domicile. Aux États-Unis, par exemple, les élèves issus de familles à faible revenu, souvent issus de communautés marginalisées, rencontrent des obstacles considérables. En effet, les statistiques montrent qu'ils obtiennent en moyenne des scores inférieurs de 20% par rapport à leurs camarades plus aisés, lors des tests standardisés. Ce fossé se creuse encore plus dans les écoles publiques de certaines grandes villes américaines où les ressources sont limitées. Ce phénomène se produit également dans d'autres pays, mais il est peut-être plus marqué dans les pays où les inégalités sociales et économiques sont plus profondes. À l'opposé, des pays comme la Finlande ont réussi à réduire considérablement les écarts de réussite scolaire grâce à un système éducatif qui met l'accent sur l'équité, la gratuité de l'éducation et un financement uniforme des écoles. En Finlande, chaque élève, indépendamment de son origine sociale, bénéficie des mêmes ressources éducatives et de la même qualité d'enseignement, ce qui se reflète dans les résultats scolaires parmi les meilleurs au monde. Ces inégalités éducatives, qui sont à la fois un reflet des inégalités sociales, économiques et politiques, ont des conséquences de long terme sur les sociétés. Elles contribuent au maintien des disparités entre les individus, alimentent les cycles de pauvreté et de marginalisation, et freinent le développement global. Si l'accès à une éducation de qualité était garanti pour tous, quel que soit leur milieu de naissance, leur statut social ou leur sexe, le monde serait bien plus équitable. Il est donc crucial d'agir à tous les niveaux pour lutter contre ces inégalités et garantir que l'éducation devienne un véritable levier de transformation sociale. Avant de passer à la prochaine partie, je vous propose qu'on écoute une petite pause musicale. Donc je vous propose le titre Imagine de John Lennon. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit morceau. Donc on va maintenant pouvoir reprendre, notamment en parlant de quelles sont les causes de ces inégalités. Donc je vous retourne la question. Est-ce que vous avez une idée des causes de ces inégalités éducatives ou pas du tout? Pour ma part, je pense que le facteur économique est quand même prépondérant dans cette question, notamment le coût de la scolarité. le fait de ne pas travailler et d'apprendre à la place, mais aussi sûrement le manque d'investissement public dans les infrastructures, dans un enseignement de qualité, tout simplement. Moi, j'avais pensé à un autre facteur qui est plus personnel. C'est le fait que certains élèves ont plus ou moins de difficultés et des difficultés qui sont naissantes, en fait. Donc, ça peut, par exemple, être le fait d'être dyslexique qui peut les désavantager au sein de leur parcours scolaire. C'est vrai. Ouais. Je pense à la petite enfance, vraiment, parce que, mis à part, c'est vrai, le côté dyslexique ou un léger handicap, si on prend les écoles maternelles, bon, pour la France, c'est une chance. Les pays européens ont des écoles maternelles de qualité. Mais à travers le monde, un enfant égale un autre enfant. Et si on met vraiment le maximum de moyens dans la petite enfance, on devrait avoir une égalité qui dure plus longtemps, en fait. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que très rapidement, les disparités, les différences arrivent, de classe sociale et des choses comme ça. Et c'est à l'éducation publique, nationale, de faire ce qu'il faut pour que les enfants soient tirés vers le haut du mieux possible. Et ça, c'est une vraie difficulté pour les enseignants. Et à nouveau, on revient à donner les moyens. Et j'entendais tout à l'heure l'exemple de la Finlande, où effectivement, quand on a des écoles équipées, on a des enseignants de qualité, dans la petite enfance, on arrive à avoir un côté égalitaire qui doit être magnifique à voir. Et là, les différences de naissance sont gommées, vraiment, je pense. Et il faut accentuer ça le plus longtemps possible. Mais ça, c'est un sacré enjeu de politique publique, évidemment. C'est sûr que vous avez bien raison. Donc là, vous avez quand même bien résumé les principales causes, mais je vais me permettre de les approfondir. Donc, ça va être intéressant. La première cause des inégalités éducatives, elle réside avant tout dans le milieu socio-économique, comme vous avez pu le dire. Il est en fait bien établi que les enfants issus de familles aisées bénéficient souvent de conditions plus favorables à leur réussite scolaire. Ces enfants ont généralement accès à un soutien scolaire privé, à des ressources pédagogiques de qualité, que ce soit livres, ordinateurs, activités périscolaires et autres. Et leurs parents peuvent souvent se permettre de les accompagner dans leur parcours scolaire, que ce soit en termes de suivi ou de choix d'établissement. Cela leur permet de progresser plus rapidement et d'avoir accès à des opportunités de formation plus riches. A l'inverse, les enfants de milieux moins privilégiés se retrouvent souvent dans une situation plus précaire. Ils peuvent être confrontés à des problèmes de logement, à la malnutrition ou encore à un environnement familial moins favorable à l'apprentissage. Les parents de ces enfants sont souvent moins formés ou plus occupés par des préoccupations financières ou moins de ressources pour soutenir leur scolarité. Ces disparités se reflètent très rapidement dans les résultats scolaires. Les élèves issus de familles plus pauvres ont davantage de chances d'abandonner l'école avant d'avoir terminé leur scolarité obligatoire ou de ne pas réussir les examens cruciaux. Ces inégalités socio-économiques ont un effet cumulatif et il devient plus difficile pour un enfant défavorisé de sortir de la pauvreté ou de briser le cycle de l'inégalité. La seconde cause des inégalités éducatives est la ségrégation territoriale. Ce phénomène est particulièrement visible dans de nombreux pays où les écoles situées dans des quartiers défavorisés souffrent d'un manque criant de ressources, tant matérielles qu'humaines. Dans ces quartiers, les écoles sont souvent surchargées et manquent d'enseignants qualifiés, ce qui impacte directement la qualité de l'enseignement. Par exemple, en France, un élève inscrit dans un réseau d'éducation prioritaire, REP, c'est-à-dire une zone géographique à fort taux de précarité, aura en moyenne 30% de chances en moins d'obtenir son baccalauréat, par rapport à un élève vivant dans un quartier plus favorisé. Cette disparité territoriale est alimentée par une logique d'affectation des ressources publiques qui ne prend pas toujours en compte les besoins spécifiques des élèves en difficulté. Ici, c'est intéressant de mettre en avant le fait que le baccalauréat, c'est avant tout une porte d'entrée aux écoles supérieures, donc les personnes qui sont issues de milieux défavorisés sont souvent moins amènes de pouvoir rentrer dans ce type d'études, etc. Donc, en outre, les écoles de ces quartiers sont souvent confrontées à des conditions matérielles dégradées, classes vétustes, manque de matériel pédagogique et même une infrastructure insuffisante pour offrir un cadre d'apprentissage adéquat. Ce phénomène de ségrégation peut également être exacerbé par l'isolement géographique où les élèves des quartiers défavorisés ont peu ou pas d'accès à des activités éducatives supplémentaires, que ce soit des stages, des sorties scolaires ou des rencontres avec des professionnels. De plus, cette ségrégation produit un cercle vicieux. Les écoles mal dotées génèrent des résultats scolaires médiocres, ce qui entraîne une stigmatisation des élèves qui en sont issus et renforce les inégalités sociales au fil des générations. Enfin, un autre facteur déterminant dans les inégalités éducatives est le rôle des normes culturelles et des inégalités de genre. Dans de nombreuses sociétés à travers le monde, l'éducation des filles est encore perçue comme secondaire, voire négligée. Ce phénomène est particulièrement visible dans certaines régions d'Asie, d'Afrique ou du Moyen-Orient, où les normes sociales traditionnelles restreignent l'accès des filles à l'éducation. en les cantonnant souvent à des rôles domestiques ou à des attentes précises liées à la famille. Ces discriminations sont également renforcées par des lois et des pratiques culturelles qui n'encouragent pas l'égalité des sexes dans l'éducation. Selon l'UNICEF, en 2021, environ 130 millions de filles dans le monde n'étaient pas scolarisées, en grande partie dans des pays comme le Pakistan, le Nigeria ou encore l'Inde. Dans ces pays, les filles sont souvent exclues des écoles en raison des préjugés sexistes, de mariages forcés ou de violences basées sur le genre. En outre, dans certaines sociétés, l'idée même que les filles puissent exceller dans des domaines comme les sciences ou les mathématiques reste un tabou. Cela limite donc leur accès à des parcours scolaires prestigieux et à des carrières professionnelles. Ces inégalités de genre vont bien au-delà de la simple absence d'accès à l'éducation. Elles façonnent également les opportunités économiques et sociales des filles, les confinant dans des rôles limités. Pourtant, plusieurs pays ont commencé à lutter contre cette discrimination en mettant en place des politiques éducatives spéciales pour encourager l'accès à l'école pour les filles, mais les résultats demeurent mitigés et ces inégalités persistent dans de nombreuses régions du monde. Ces trois facteurs, le milieu socio-économique, la ségrégation territoriale et les normes culturelles et de genre, sont des éléments essentiels à comprendre pour saisir toute la complexité des inégalités éducatives. Ils interagissent entre eux, se renforcent et créent des barrières que de nombreux élèves ne parviennent jamais à franchir. Pourtant, il est primordial de souligner que l'éducation est un droit fondamental et qu'elle représente un des leviers les plus puissants pour lutter contre les inégalités. Il est donc urgent que les gouvernements, les organisations internationales et les sociétés elles-mêmes prennent conscience de l'ampleur de ce défi et mettent en place des politiques audacieuses et inclusives pour garantir une éducation équitable à tous et sans distinction. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant on a entendu toutes ces parties, on va pouvoir entendre Lola juste après, mais avant ça, une petite pause musicale. Donc je vous propose la chanson des Beatles, The Revolution. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bon, maintenant, je vous propose qu'on parte sur comment savoir quelles sont les possibles réductions des inégalités éducatives et comment faire. Pour cela, qui de mieux que Lola pour expliquer ce sujet ? Donc, nous sommes en effet face à un sujet fondamental, comme l'indiquait Quentin auparavant, qui touche à la fois à la justice sociale et à l'avenir de nos sociétés. L'éducation, c'est bien plus qu'un simple outil d'apprentissage, c'est un levier puissant pour réduire les inégalités et favoriser un développement plus équitable. Oxfam a publié en 2019 un rapport intitulé « Le pouvoir de l'éducation dans la lutte contre les inégalités ». Et ce rapport met en lumière le rôle essentiel de l'éducation dans la lutte contre les inégalités et nous permet de nous rendre compte pourquoi cette question nous concerne tous. Tout d'abord, il est établi qu'il existe une corrélation positive entre les investissements dans l'enseignement public gratuit et l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés. C'est ce que nous montre donc ce rapport. Cela signifie que plus un État investit dans un système éducatif accessible à tous, plus le nombre d'enfants bénéficie d'une instruction augmente. C'est un constat qui est essentiel puisque lorsqu'on supprime les barrières financières à l'éducation, on donne à chaque enfant, quel que soit son milieu social, la possibilité d'apprendre et de se construire un avenir qui est forcément meilleur. Or, cette accessibilité, elle est loin d'être la norme. Je peux tirer un chiffre marquant du rapport d'Oxfam qui souligne que les enfants issus de milieux pauvres ont 7 fois moins de chances d'achever leurs études que ceux issus de milieux favorisés. C'est un écart énorme qui démontre à quel point les inégalités économiques conditionnent l'accès à l'éducation. Un enfant qui est né dans une famille pauvre est confronté à des difficultés financières, à des conditions de vie précaires et parfois à l'obligation de travailler dès son plus jeune âge. Et donc, il a nettement moins de chances de suivre un parcours scolaire complet. Ce constat, il est d'autant plus préoccupant que l'éducation est souvent le seul moyen de sortir de cette pauvreté. Prenons un exemple concret. Dans certains pays en développement, les frais liés à la scolarité, que ce soit les uniformes, les manuels scolaires ou encore les transports, représentent un obstacle majeur pour les familles défavorisées. L'UNESCO a d'ailleurs montré que dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, une année supplémentaire d'éducation primaire peut augmenter les revenus d'un individu de 10%. Ce chiffre illustre bien l'impact direct de l'école sur l'avenir des enfants et sur l'économie en général. Face à ce constat, que peut donc on faire ? L'initiative d'Oxfam Belgique nous donne une piste intéressante. Cette organisation a mis en place des outils pédagogiques destinés à sensibiliser les élèves aux inégalités sociales et éducatives. Parmi ces outils, le programme Oxfam pour école, qui propose des fiches thématiques permettant aux enseignants d'aborder ces sujets en classe. L'objectif ici est double, d'une part éveiller les consciences des élèves sur ces inégalités, et d'autre part leur donner des clés pour devenir des citoyens engagés. Car comprendre les inégalités, c'est déjà commencer à les combattre. En conclusion, le rapport d'Oxfam y met en évidence un enjeu majeur, le fait que l'éducation est un droit fondamental et un levier puissant contre les inégalités. Mais ce droit, il est encore trop bafoué, notamment pour les enfants issus de milieux défavorisés. Pourtant, nous avons des solutions à portée de main, des politiques éducatives inclusives, des outils de sensibilisation et un engagement collectif pour garantir à chaque enfant une scolarité digne et équitable. Il est de notre responsabilité en tant que citoyen de soutenir ces initiatives et de défendre une éducation accessible à tous. Car une société qui investit dans son éducation est une société qui croit en son avenir. C'est très intéressant ce que tu as dit. Moi, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit parce que je fais moi-même partie d'une association qui essaye de lutter contre les inégalités éducatives. Donc, c'est une association qui s'appelle ZUBDECO. Elle va proposer des tutorats, que ce soit à distance ou en présentiel, permettant justement de réduire ces inégalités. Donc ce qui est intéressant dans leur fonctionnement, c'est avant tout qu'on remarque que ce n'est pas forcément que les élèves ont des difficultés scolaires. Mmh. Le rôle avant tout de cette association, c'est qu'on nous dit qu'il est important de redonner confiance aux enfants. Absolument. Et au final, uniquement en gagnant confiance sur eux, ils vont réussir à faire des progrès, et sans même qu'on ait besoin de les aider. Et c'est plutôt intéressant de savoir qu'au final, c'est plutôt un cadre qui les bloque, plutôt que leur réelle capacité. Très juste, très juste. Travailler à l'estime de soi et aussi pour les enfants. Vous avez des exemples à nous donner ou... Non, non, mais tout ça est très juste. Non, c'est très bien. Puis je vois que l'émission risque de déborder un petit peu aujourd'hui. Donc on va peut-être bientôt s'arrêter. Ça marche, bah je vous propose de conclure et ça sera fini pour aujourd'hui. Vas-y, Quentin. Donc en somme, les inégalités éducatives sont un enjeu complexe, mais elles ne sont pas une fatalité. Il existe des solutions pour favoriser une éducation équitable et de qualité pour tous. Lutter contre ces inégalités, c'est non seulement offrir à chaque enfant la possibilité de réussir, mais c'est aussi construire une société plus juste, plus inclusive et plus forte. Chacun de nous peut jouer un rôle encourageant l'éducation et en soutenant des initiatives qui visent à offrir des chances égales aux jeunes, peu importe leurs origines ou leur milieu. Car au fond, un monde où chacun peut pleinement développer son potentiel est un monde meilleur pour tous. Merci Quentin. Merci à vous. Merci.